noircie par la vie. Se lève-t-il avec le soleil, il allait dans toute journée sourit. Le plein air, y'a rien de pareil. Voilà qu'il tend la main, mais il ne se passe rien. 8h du matin sur les trottoirs, c'est plus achalandé que le soir. Allez hop, il tente sa chance. Vous auriez pas un peu de change? Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Lui demande un éminent médecin en cardiologie. Profession qu'est toujours tout ce que toi gros niaiseux. Profession qu'est touche dans tout ce que toi gros niaiseux. Profession qu'est touche dans tout ce que toi mon gros niaiseux. Profession qu'est touche dans tout ce que toi gros niaiseux. Profession qu'est-ce que toi mon gros niaiseux. Profession qu'est-ce que toi gros niaiseux.